les grands bronziers de la Grèce. Phidias, outre le Jupiter d'Olympie, qui n'a point de rival, a fait en ivoire aussi une Minerve debout dans le Parthénon à Athènes. En bronze, une Minerve, d'une beauté si rare qu'on l'a surnommée la Belle. Enfin, une statue colossale nue. Il passe avec raison pour avoir le premier fait connaître les lois de la statuaire et lui avoir fourni ses modèles. Praxitèle, plus heureux et aussi plus célèbre dans le marbre, a fait cependant, en bronze même, de très beaux ouvrages. Suit l'énumération de 15 de ses sculptures en bronze. Praxitèle a fait aussi un Apollon jeune, qui guette avec une flèche un lézard se glissant près de lui, et qu'on appelle le Sauroctone. On admire encore de lui deux statues exprimant des sentiments opposés, une matrone en pleurs et une courtisane dans la joie.